France Inter. Et bonjour François Morel. Bonjour. Ce matin, François, vous laissez votre place à une grande personnalité du cinéma. C'est Dominique. La série Netflix sur la famille royale d'Angleterre, c'est génial. Surtout, c'est un vrai carton. Je me disais, pourquoi nous, en France, on n'en ferait pas une de série sur la famille royale française? Franchement, je serais prêt à la produire. Non, mais qu'est-ce qu'on a de moins que les Anglais? Rien du tout. On a tout ce qu'il faut. Des acteurs, des actrices. Sophie Marceau, je suis désolé, dans le rôle de Brigitte, elle serait génial. Et puis, des belles histoires avec plein de rebondissements, des personnages hauts en couleur qui pourraient tenir en haleine le public du monde entier pendant des mois. Ça se lit, Xavier. Ça s'appellerait The French Crown et ça pourrait au moins courir sur 5 saisons. Première saison, les débuts d'Emmanuel, Amiens, la Picardie, le théâtre, l'amour avec Brigitte, entre parenthèses, Béatrice Dalle aussi dans le rôle, et pour être formidable. Le scandale, la séparation, les retrouvailles. Deuxième saison, l'entrée du roi Emmanuel dans le haut fonctionnariat, la vie politique, la rencontre avec François Hollande, l'entrée au gouvernement. Troisième saison, la traîtrise, la séparation, l'annonce de la candidature. Fin de la saison, le couronnement du roi Emmanuel lors de la présidentielle. Quatrième saison, la présidence, les gilets jaunes, le Covid, les scandales divers. Alexandre Benalla, il faut trouver un bel acteur qu'on pourrait trouver dans un casting sauvage. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y ait du cul. La sextape de Benjamin Griveaux, la démission de Nicolas Hulot, la romance entre Gérard Larcher et Marlène Schiappa. Cinquième saison, la réélection, la guerre, le 49-3, Elisabeth Borne, le spleen, la désolation. On me dit qu'il y a des auditeurs particulièrement rapides qui congestionnent le standard de France Inter pour en savoir plus concernant la romance entre Gérard Larcher et Marlène Schiappa. Alors bon, disons-le tout de suite, comme dans The Crown, la version française, il ne s'interdira pas de temps en temps de s'éloigner un petit peu de la réalité afin de rendre la série plus sexy. La question du casting, bien sûr, sera importante. Pour Emmanuel Macron, je propose qu'il y ait plusieurs acteurs pour l'interpréter à différents âges de sa vie. Louis Garrel, bon, ou Pierre Niney, pour le commencement. Et puis, dans la maturité, j'avais pensé à Gérard Jugnot, qui peut être très surprenant dans le rôle, très inattendu. Ou Omar Sy. Omar Sy est un très bon acteur, qui a une grosse palette, et franchement, qui peut tout jouer. Alors, j'entends déjà les critiques, Omar Sy ne peut pas incarner Emmanuel Macron, c'est pas crédible. Alors bon, je sais, hein, je suis pas fou, que Emmanuel Macron mesure 1m73 alors qu'Omar Sy mesure 1m90, mais je suis désolé, si on s'arrête à ce genre de détails, c'est que les acteurs sont mauvais. Pour Brigitte, il faut réfléchir à nos amours, Sandrine Bonner, ou Isabelle Huppert, ou Nathalie Baye, ou Adjani, qui pour la première fois pourrait incarner une femme dans sa maturité. Pour Gérard Larcher, j'avais pensé à Vincent Cassel. Quand on voit que dans The Crown, ils ont pris Dominique West pour jouer Charlie les grandes oreilles, on peut gamberger. Bon, je vous laisse, je vais lancer la production. Merci pour cette proposition, Dominique. Merci à François Morel aussi qui, je crois, vous a soufflé le texte. France Inter.